qu'en fort du sens. Ma quête amour, papier, longue air. N'ta la vie, n'ta la cine. Amour, papier, longue air. N'ta la, n'ta la, n'ta la terre. Amour, papier, longue air. N'ta la vie, n'ta la cine. Amour, papier, longue air. Mais tu dis